c'est fou ça. Ça va bien. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Stéphanie Gallier avec son plat favori de la semaine et... Et Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique télécharge quoi. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Hey, bon matin à vous, bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. On est le mardi 5 octobre 2010 et lui c'est François-Olivier Marchand. Et lui c'est Mathieu Plante, celui que vous entendez toujours en premier, parce qu'il ne veut pas me laisser parler. Ah, mais un jour je te laisserai voler tel un oiseau de tes propres ailes dans le nid de la vie. Dans le nid, dans un nid de coucou. C'est ça, vol au-dessus d'un nid de coucou. Vol au-dessus d'un nid de coucou. C'est ça. Ben, tu l'as, t'es bon, t'as des références culturelles que je ne savais pas que tu avais, cher François-Olivier. Tu l'as-tu vu, ce film-là? Non, j'ai pas vu ça du tout. Non, mais... c'est pas le canapé, là. Ouais, c'est ça. Donc, bienvenue à l'Assemblage requis. Oui, aujourd'hui, on a un plan chargé. Comme tous les mardis, c'est vraiment la grosse émission de la semaine, n'est-ce pas? Tu me regardes comme si t'étais pas sûr que c'était aussi ben bon oui, plan ben que oui, ça. Ben oui, tout à fait. Il est énorme. Il est énorme. C'est beaucoup plus gros qu'un coucou, là. Mais peut-être un peu moins que mardi prochain, par exemple. Ah, on parle déjà au futur très, très éloigné. Ben, dans une semaine. Oui, c'est ça. Jour pour jour, une mon ami. Une semaine en termes de radio, c'est interminablement long. En d'autres termes aussi, en fait. Donc, aujourd'hui à l'émission, Stéphanie Gagné avec son plat favori de la semaine. Ça, c'est quoi ton plat favori? Ben, c'est sa chronique où elle nous présente ses coups de cœur artistiques, culturels, musicologiques, graphiques. Wow, hein? C'est plein de mots. Musicologique. Ça peut être du cinéma, ça peut être n'importe quoi. Une pièce de théâtre. Oui, mais ça n'a jamais été ça, par contre. On devrait demander de ça un petit défi. L'autre fois, on nous a parlé de la danse. C'était formidable. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Maxime Lemieux-Laramé qui vient nous faire sa chronique, comme à chaque mardi, même si la semaine passée, il était le lundi. Mais il reprend sa case horaire normale, si on veut. Il a pris son métamucile. Et il se régularise. Oui. Et on a qui d'autre? On a Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Et aujourd'hui, c'est compliqué. Elle a encore beaucoup de sujets dans sa chronique. Ah oui? Ils sont je dirais, innombrables. Innombrables. Innombrables. Donc, est-ce que tu veux nous faire... Oui, Parc national de la Mauricie, Réserve faunique du Saint-Maurice, Réserve faunique Mastigouche et Sentier national. Sentier national. Sentier national. Oh. Eh bien... Ça va être intéressant. Ça, c'est vers les 8h30. Toi, qu'est-ce que t'as d'autre? Moi, en fait, je vais vous parler d'un candidat qui se présente aux élections présidentielles aux États-Unis. Mais le candidat est un peu particulier. Ah, ça doit être ça, hein? Ça doit être ça. Sinon, c'est anodin. Et je pense que tu le connais. Ah, c'est toi? Non. Ah. Je pense qu'il faut être résident. Ah oui. Ouais. On a une chronique, c'est un fait aussi, comme toujours, avec des faits inutiles. À partager quand vous allez faire votre campagne électorale, des fois, serrer des mains, donner un petit fait sur les poissons, je sais pas quoi. Sur des poissons, oui, tout à fait. Mais on commence l'émission avec une pièce que j'adore et j'espère que tu l'adores aussi. Voici Gorillaz, 68 States. Qui était au Centre Bell? Oui. Dans la main, le trou. Voilà. Pas cette pièce-là, j'imagine, par exemple. Peut-être. Oh, peut-être. Assemblage requis. Sur ces fous. Wildcat. Wildcat. De Ratatat. Ça existe encore, ça, la bière Wildcat? Ben oui, ben oui. Super. Donc, Ratatat, Wildcat, c'était excellent. C'était précédé de Gorillaz avec 68 State. Les deux s'entremêlaient d'une perfection quasi à la Mathieu Plante. Oui. Hein? Quasi à la Mathieu Plante. Quasi. À quasi perfection. Oui. T'avais compris? Ouais, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on me dit, puis c'est ce qu'on dit aussi. C'est ce qu'on me dit. Ah, Mathieu Plante, tu es parfait. Merci beaucoup. C'est ce qu'on dit aussi du cowboy nu. Hey, il fallait pas que tu me nommes tout de suite. Je voulais faire une petite devinette. Ah. Je voulais dire Times Square, candidat à la présidence. Tu me dis quand tu veux faire pas une devinette. Beaucoup de vêtements. Ben oui, mais là, je pensais pas que t'allais être dévoilé. Mais est-ce qu'on est en nom? Non, ça te rappelle pas l'histoire de Gary. De. Gary. Le gars de Kick FM. Non, on s'en reparlera. Ouais, ok. Ouais. Ah, je te raconterai. Ouais. Tu me titilles l'oreille. Moi aussi, je fais des devinettes. Ouais, sauf que toi, il n'y a personne qui est trouve. C'est ça. Non, mais en fait, tu l'as dit, cowboy nu de Times Square, candidat à la présidentielle des États-Unis, ben, d'Amérique. Si Arnold peut être, c'est peu importe. Gouverneur. De la Californie, le cowboy nu pourrait être le prochain président américain. C'est sûr, c'est sûr. En fait, c'est ça. Il est âgé de 40 ans. Il est né le 23 décembre. Il a déjà tenté sa chance contre le maire de New York en 2009, mais il a abandonné en cours de route sa candidature comme maire. Mais il se reprend au présidentiel et il dit que l'Amérique a besoin d'un président qui croit en l'Amérique. Wow. Donc lui il se considère apte et se dit avoir les bonnes chances de gagner. Laissez-moi en douter un peu. Je sais pas si je voudrais confier mon pays à un homme à moitié nu, bas de cowboy, chapeau de cowboy et guitare qui joue dans le Times Square. Préjugé. À tous les jours. Non, non, mais préjugé, en fait. Veux pas, reste que c'est une chose quand même qui doit être assez complexe. Ouais. Avec beaucoup de d'intervenants, si on veut. Là. Ouais. Moins. Ouais. Ben, à Trois-Rivières, ce serait bien que le cowboy du centre-ville. Il se présente comme maire. Ouais, c'est ça. Bat-Yves Lévesque de Plate-Bande. Lui, il aurait peut-être de bonnes chances. Et puis, l'annonce officielle va se faire demain à midi. Ah, demain. Demain à midi. D'accord. Mais donc, comme vous savez, le cowboy nu nous a appelé. Avant pour nous l'annoncer. OK. Oh. Exclusive. Oui. Non, ce dont je parlais tantôt, c'est le truc de Kick FM là, avec Gary Shows, là, qui est, dans le fond, c'est un animateur à Kick FM. Puis le nom animateur l'a appelé pour lui souhaiter bonne fête en onde, tu sais. Mais il a pas dit qu'il était clairement en onde au début de l'émission. Il a dit, tu sais, genre, salut, c'est Showsbin de telle émission à Kick FM, tu sais. Là, tu fais, ah, cool, ben, salut, ouais, je suis en forme, je viens de me faire une ligne de coke. T'es pas sérieux? Ouais, c'est ça, t'as pas vu ça? Non. Je te mettrai lié sur le site, on en parlera pas pendant des années parce que ça fait le tour quand même. Puis je me sens. C'était vrai, là, c'était le gars était bon animé. Le gars, il s'excuse en disant que c'était clairement une joke, là, voyons donc. Quand je vais pouvoir m'en sortir, c'est trop dommage. C'est ça, parce que lui, il disait qu'il avait pas entendu la musique de fond qu'il y avait dans le truc de l'appel du gars. Puis il a pas entendu je m'appelle telle personne de l'émission iRock, whatever. T'sais. Il disait qu'il était bien animé. C'est ça. Ah, puis c'était genre une entraîneuse de sport quelconque qui avait vendu ça dans son bloc appartement, t'sais, pour sa fête. Mais c'était une joke. C'était une bonne joke. Le lien sera sur assemblagerequis.com tantôt. Ah oui, j'ai hâte d'aller voir ça. Vidéo très intéressante. On va aller aussi tout à l'heure parler de faits inutiles à savoir. Non. Alors, c'est un fait tout à l'heure, mais pour l'instant, on écoute The Fratellis. Voici Henrietta au 89 FM, c'est fou. Ligne de poids. C'est un joke. C'est un joke. On t'en nomme. Kiss and maybe we can go out. It's hard to miss you. C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Tantôt, on parlait de Kick FM et de ce qui s'est passé avec Gary Daigneau. Oui. Ouais. Puis là, ben, toi, tu pensais que c'était une station américaine quand je parlais de Gary et de Kick FM. Oui, oui. Ça a l'air très américain, ça l'est ouais, pas. Ouais, tout à fait. En fait, là, c'est le nom, je pense, qui m'a mêlé, Gary. C'est ça. Puis là, ben, je trouvais que c'était un sujet qui, tu sais, qui touche pas mal tout le monde. Tout le monde a son opinion là-dessus. Ça a joué, bon, à Denis Lévesque ou peu importe. Mais il y en a qui l'ont pas entendu parmi vous. Donc, à un moment donné, ben, pourquoi ne pas en parler, même si on est un petit peu en retard à peine. On va écouter l'extrait qui s'est passé sur Kick FM le 28 septembre. Voici ce qui s'est produit sur les ondes de Kick FM hier. C'est une station qui est au Saguenay, qui fait partie de la famille. Où, à un moment donné, les gars de Kick, dans l'émission de l'après-midi, si j'ai bien compris, ont eu la bonne idée de téléphoner leurs collègues. Je sais pas quelle heure, je pense que c'est le soir. C'est-tu le soir? Okay. J'espère, là, en début de soirée. Là. Ils ont eu la bonne idée de téléphoner leurs collègues. Après tout, c'était sa fête. Et ça n'a pas viré tout à fait comme ils pensaient. Un moment de grand malaise, ça va faire le tour du monde francophone pour être sûr de ça. Et maintenant, on va prendre le téléphone, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête d'un collègue que j'aime bien, Monsieur Daigneau. On va l'appeler, voir comment il va. 53 ans aujourd'hui, j'espère juste qu'il est pas couché. On va l'appeler. Oh, oh, oh, Monsieur Daigneau. Allô? Bonjour, Monsieur Daigneau. Allô? Est-ce que je parle à Gary? Oui. Oui, bonjour Gary, c'est Pierre-Luc de l'émission du iRock pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Hey, Monsieur Bichon! Ben oui, comment ça va? Ben ça va bien toi-même. Ben tout à fait, top shape. Ben là, je suis un peu sous et drogué parce que je viens de tenir une ligne de poudre, là, mais c'est pas pire. Ah ouais? tu peux te permettre ça, là, hors des ondes, pourquoi pas? Tu t'es pas au travail, c'est la correct. Poudre, la belle poudre bébé zone, moi, il n'y a aucun problème avec ça. Qui c'est qui t'a offert ça pour ta fête? Non, il y a une petite fille ici dans le bloc, là, une entraîneuse, là. Ah, ouais, c'est donc bien le fun. Ben oui, mais... qu'est-ce que tu veux? J'ai dit que c'était pas correct, mais... Mais en tout cas, de toute façon, t'es bien gentil d'avoir pensé à moi. Je vais te faire passer un bout de toune. Je voulais t'entendre quelque chose. On est pas en nombre, là? Ben oui, on est en nombre. T'es sérieux? Ben oui. Et là, là, c'est intéressant avec ce que je viens de dire. Ben non, mais c'était pas vrai. Ben j'espère. Ben non, ben j'espère pour nous autres. Mais tu voulais t'entendre quelque chose? Est-ce que tu m'avais prévenu qu'on était en onde? Ben non, je t'ai pas prévenu. C'est de ma faute un peu, en fait. Là. Ben, et comment? Je suis désolé. Ben oui. OK, je voulais t'entendre un petit quelque chose pour que je puisse me racheter un peu. Ben, fais juste ce que tu veux, mon ami. Je connais pas ta discothèque, là. Fais juste ce que tu veux. OK, on va décider au système de le faire lui-même. Je te souhaite toujours un bon anniversaire, Gary. Et, oui, merci. À l'avenir, dis-moi que t'es en onde au début. Oui, OK, c'est bon, je suis correct. C'est peut-être un manque de professionnalisme de ma part. Ben, en tout cas, j'ai rien dit de ça, là, mais fais attention. Bon, je peux me le dire moi-même. Y a pas de problème avec ça. Salut. Hey, salut, bonne soirée. Bye. C'est Monsieur Gary Daigneau, dont c'était l'anniversaire. Ben, voyons donc. Inconfortable. Voyons donc. Eh non, mais il peut pas dire que. Ben non. Ben non. Hey, ça, tu sais de quoi on n'est pas en onde. Ouais, ouais. Non, non. Il y a un malaise. C'est une erreur de débutant, c'est sûr, de pas avoir dit au gars qui était en onde, là, mais quand même, l'autre... Non, mais je sais pas, Mathieu, si tu m'appelles, ouais. C'est ma fête, puis tu m'appelles, tu dis, hey, c'est Mathieu Plante, de l'assemblage requis. Non, mais tabarouette, j'espère que le gars, ben, c'est sûr qu'il écoute, comme il dit, il était bien allumé et ben, un peu sa brosse. C'est ce que les gens disent, là, c'est que, bon, peut-être qu'il était tellement fini, le gars, qu'il a pas entendu la trame de pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom, qu'il roulait tout le long. Peut-être. Mais en même temps, quand il répond, il a de l'air endormi, tu sais. Ouais, c'est ça. Il a pas de l'air d'un gars super. Ce qu'il s'est dit, ce qu'il a dit comme excuse après. Ouais, c'est clair. Il a dit que ses boss étaient derrière lui, puis tout ça. Il s'est expliqué que ses boss, puis à date, en tout cas, aux dernières nouvelles que j'avais lues, ça avait l'air de continuer comme ça. Puis il dit quand même que le petit animateur qui a fait l'erreur, ben que c'est quand même une bonne personne, puis qu'ils se croisent, puis sont pas amis, mais c'est quand même une bonne relation. Donc, par la bande, il y a qui aille que c'est vrai. Ben non, il dit quand même que c'était clairement une blague. Il dit qu'il avait reçu comme 60 téléphones dans la journée de ses millions d'amis Facebook. Il n'arrête pas de se vendre. Mais non, je faisais des blagues comme je faisais des blagues avec tout le monde. Mais non. Voyons donc. Hey, qui t'a donné ça? Bon, il y a une petite fille dans le bloc, une entraîneuse. Mais voyons donc, trop de détails. Beaucoup trop de détails. Mais non. Puis tu sens le malaise, comme quoi on est en nom. Mais non, tu sais. Non, ça paraît. Ça paraît vraiment la transition ça vers ah, on est en nom. Ah, dis-moi là, tu sais. C'est intéressant avec ce que j'ai dit là. Hein? Mais non. Ouais. Ça, en fait. Pas crédible, ben. Non. Bref, j'ai mis aussi l'extrait sur assemblagerequis.com, non seulement de ça, de ce qu'on vient d'entendre là, mais aussi son excuse. Et ben, en fait, c'est pas une excuse parce qu'il y a rien fait, qu'il dit. Mais ses explications, mettons, de Gary Daigneault. Il n'a rien fait. Ça dure comme 9 minutes. En même temps, écoute, tu sais, c'est sûr qu'il reste que le gars, il n'est pas à son travail non plus. Le gars, il peut faire ce qu'il veut. Ouais. Tu sais, j'ai pas de misère avec ça. C'est juste que quand c'est public, il y a des enfants qui attendent ça. Mm-hmm. Puis tu sais, beaucoup trop de détails. C'est quoi, maman? Il y avait une parodie de. Je me rappelle plus si c'est les Justiciers Masqués ou d'autres gens qu'on nommera même pas, là, qui ont fait une parodie de ça, genre exactement la même situation. Puis à la fin, il dit, ah, tu sais. Toi, t'as tué une prostituée, puis t'sais, on n'a pas parlé, puis viens m'aider à rentrer le corps, je sais pas trop quoi, t'sais, ça va loin. C'est bien drôle. Vous irez voir ça. Je vais vous mettre le lien aussi sur le site, hein? J'en mets-tu des liens sur le site? T'en mets aujourd'hui des liens sur le site, Mathieu. Hey, mais wow, félicitations, merci. Merci. Ben, je suis content de. Je suis content d'avoir. Bel job, Gary, vraiment. Et sac. Hey, le gars, il doit se sentir. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ah non, puis c'est pas. Les affaires sont pas de son bord, je pense, pour les prochains mois. Puis même à ça, tabarouette, quelqu'un qui t'appelle pour ta fête, même si t'en as fait, tu peux-tu fermer ta boîte? C'est ça, puis en plus, il l'a dit que c'est pas un gars que je connais si bien que ça. Tu sais, ben oui, puis tu vas lui dire que tu fais de la poudre. Hein? C'est fun. C'est ça, ah non. J'aimerais ça avoir des poèmes comme ça. Tu sais, en tout cas. Malaise. À peine. Qui veut du KKFM? KKFM, Gary Daigneault. Ah, c'est drôle comme nom. Oui, vous êtes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On continue ça jusqu'à 9h. En passant, juste pour ceux qui se demandent où est Stéphanie Gagné en ce moment, elle ne sera pas là aujourd'hui avec nous. Elle est malade. Achou! Oui, ben, on entendait hier un petit peu qu'elle était malade. Hein? Je pense que... Achou! On la salue, on lui souhaite un prompt rétablissement. Prompt. C'est un mot qu'on utilise. Non, on l'utilise jamais à aucune autre sauce. C'est juste prompt rétablissement. Il n'y a pas de prompt autre chose, il me semble. Y a-t-il d'autre? Prompt repos. Prompt rond patapon. Prompt. Prompt. Prompt. Ouais, c'est peut-être ça qu'ils disent. Prends rétablissement. T'as raison. On va l'entendre quelqu'un qui lui a l'air. A l'air bien allumé. Non. Ouais, ben je sais pas. C'est toi qui l'as dit. Voici la balle dans mon camp des frères Gaillard parce qu'on l'aime bien. Ouais, elle est bonne. Oui. Bonne pièce. La balle est dans son camp. Ça m'a joué qui? La radio où il y a tolérance zéro sur la peau. Non, on n'a pas eu moyen. C'est ça. Un gun sur la tempe, vive sous la détente, les mains dans les airs. Ça crie à tue-tête et j'acquiesce à leur tête, leur remet mon maigre butin. Une mince pile de vin. Et suivez-vous avec mon drapeau blanc. Hold up à la coop, le voleur a pris la porte. Je fixe mon tiroir caisse. Je fuis dans la mire, j'ai pensé près de venir la une. Dans la gazette, je pars vite sur la gâchette. Je ferme la chope, mais la balle est dans mon camp. Me ferme la gueule pour une poignée de 30 sous.

Le Husky avec la pièce Dialogue. Oh, ce que oui. Featuring. Vas-y, Mathieu. Une dédicace de Terry Bloom de la Patate Rose. Patate Rose, ça t'a pété dans mes oreilles. Oui, c'est ça, un peu comme nos P, comme ça. On aime ça des P à la radio. Ça peut pas empêcher les. C'est quand même bien, les petites mousses. Ouais. C'est Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées, émission qui est construite à partir de matériaux de qualité qui s'en viennent comme toujours après 8 heures. Après 8 heures. Aujourd'hui, parce que là, 7h30, on n'a pas de chronique aujourd'hui. Non. Maintenant, on va parler de choses intéressantes, utiles à savoir, tel un bonbon dans votre bouche que vous allez pouvoir sucer. Voici, c'est un fait. Non? T'aimes pas ça? C'est ça. Donc, la chronique des choses véritables, vérifiables et véridiques, ou dans l'ordre que vous le désirez, trouvez sur les différents internets. Commençons avec les pierres à feu. Tu savais, tu savais certainement que c'était le 50e anniversaire des pierres à feu. Oui, je l'ai vu sur Google. C'est ça, exactement. Tout le monde savait ça. Mais savais-tu, par contre, ces choses intéressantes-là, que les meubles des pierres à feu ont changé dans presque tous les épisodes? Les meubles, ont changé? Ouais. OK, ben j'ai jamais remarqué. J'essaie de voir, là. Ouais, aussi, malgré que ça a été le dessin animé en prime time qui a duré le plus longtemps avant les Simpsons, les pierres à feu n'ont jamais été très, très constants. Donc, la chanson thème d'ouverture qu'on connaît, Meet the Flintstones, elle a commencé à être diffusée seulement dans la troisième saison. C'était pas cette chanson-là dans les deux premières. Ouais, c'est vrai ça. Le pilote qui a jamais été diffusé à la télé parlait de la famille Flagstones au lieu des Flintstones. Le premier épisode, dans le fond, qui a été créé pour le vendre au réseau de télé. Et l'émission était évidemment en noir et blanc au début, mais ça, bon, je pense qu'il y a pas mal d'émissions qui étaient en noir et blanc pendant un bout, puis en couleur après. Oui. Dans certains épisodes, on parle de la ville de Rockville au lieu de Bedrock. OK. Mm-hmm. Dino, le dinosaure évidemment de la famille, a aussi changé de couleur pendant l'histoire de l'émission, même si sa couleur la plus fréquente, c'est celle qu'on associe avec lui, le mauve. Le mauve, le pourpre. Il y a tout plein d'autres faits sur les pierres à feu que j'ai postées sur assemblagerequis.com, dont une publicité à l'époque où les pierres à feu vendaient des cigarettes, parce qu'à la télé américaine, il y avait des publicités faites avec les pierres à feu dans l'émission. Pas sûr qu'il aurait le droit. Pas sûr aujourd'hui. Je pense qu'il coupe ça. À ça, oui. Moi, ce qui m'intrigue toujours des pierres à feu, et là, c'est super évident, là, vous avez trouvé. Mais comment ça se fait que ça s'appelle les pierres à feu, puis il s'appelle Fred Caillou Bâtard? Tu sais, sérieusement. Les pierres, cailloux. Ouais, mais les pierres à feu, c'est supposé être le nom de la famille, comme les Flintstones. Mais leur nom de famille, c'est Fred Flintstone. Ouais, mais Delima Laroche. Ouais, mais c'est comme si. Ouais, mais ça, c'est l'autre famille. Ouais, l'autre, ça, c'est celle qui sort avec Arthur Laroche. Ouais, on connaît pas les personnages. Betty, c'est qui? C'est Bertha. Bertha, ça, c'est la blonde. Arthur. C'est la femme. Arthur. Ok, ouais, c'est ça. Delima Fred, ouais, c'est ça. Mais c'est Delima qui? Ben, j'imagine Delima Caillou. Okay. J'ose espérer qu'ils sont. À moins qu'elle ait son nom de jeune fille. Son nom de jeune fille, ça se peut, ça. Ah, en tout cas, bref, il y avait de l'imagination pour avoir autant de noms de famille avec des roches dedans, hein, ouais. On s'entend. Mais non, mais c'est ça. C'est comme si les Simpsons, le dessin animé s'appelait Les Simpsons, mais que c'était Bart Landry, tu sais. Bart Landry. Ça n'a pas rapport, sérieusement. En tout cas, appelez ça des cailloux, tant qu'à ça. Ce qui est drôle, c'est que tu écouteras si t'es capable, parce que ça a joué à la télé il y a quelques années de ça, et je me rappelle qu'il y avait passé à TQS la version française du film Des Pierres à Feu. Tu sais, au cinéma, t'as sûrement vu Les Pierres à Feu version québécoise, le film, là, avec Chose puis Bin Bin. Là. Le film hollywoodien Des Pierres à Feu. Là. Ouais, ben non, je l'ai pas vu. T'as pas vu le cas, là. Non, mais ça m'intéresse pas du tout. Les reprises comme ça, là, moi, j'ai. Ah, OK. Je suis tout seul là-dedans. Si vous êtes de mon côté, vous pouvez m'appeler. mais c'est ça, vous écouterez la version... je vous parle à vous, les requins. La version québécoise et la version française du film Des Pierres à Feu, il y a pas mal de différences. C'est loin intéressant. Mais c'est pas... OK, oui. Bon, on passe au prochain fait. Hein, pourquoi c'est Fred Caillou, Delima Caillou, Agathe Caillou, Dino. Ouais, c'est Laroche, la Bertha Laroche, Boum Boum Laroche. Hoopy. C'est son Hoparou domestique. Ah, bon. Comme j'ai raté quelques épisodes, moi, je pense. Ah, moi aussi. On a un fait de fait en 4 minutes. Bien. Deuxième fait, tu connais les petits SOS, là? Ouais. Tu sais qu'on utilise pour laver la vaisselle. Récurer. Savais-tu ce que ça voulait dire, SOS? Non. Non, ben ça veut dire Save Our Saucepans. Sauver nos chaudrons. Ah, ouais. Chaudrons qu'on utilise pour faire de la sauce, là. Les petits chaudrons avec une petite poignée, là. Mais tu sais pourquoi ils écrivent, tu sais, mettons, quand t'es perdu et sur la plage, ils écrivent SOS? C'est pas Save Our Souls, il me semble. Non, mais c'est parce que. D'un bord ou de l'autre, tu vois, c'était écrit la même chose. C'est ça, puis c'était un mythe, je pense que c'était Save Our Souls. J'avais fait un mythe. Ben, je sais pas. Savais-tu que le mois d'octobre prend son nom à cause du calendrier romain? Sur le calendrier romain, le mois d'octobre, c'était le 8e mois, donc October. L'Octoberfest. Et voilà, qui est rarement dans le mois d'octobre. Hein. C'est ce que ah oui, dire. Non, ouais. Ça se passe là. Okay. Savais-tu que la première femme américaine à avoir voté dans une élection publique était du Wyoming, Eliza Swain, le 6 septembre 1870? C'est pas mal. Ouais. Quelques faits sur Facebook en l'honneur de The Social Network. Est-ce que tu es allé le voir? Quoi, si je suis allé voir quoi? Le film de Social Network. Non. J'ai très, très hâte de le voir, moi. En tout cas, il y a plein de controverses là-dessus parce qu'il y a plein d'affaires qui sont apparemment très, très étirées, genre de fiction. Mais c'est un film, on s'entend. Mais c'est basé sur la réalité, est-ce que je me trompe? Basé sur un livre qui lui-même disait être basé sur la réalité, mais tu sais, il y a des affaires qui ont été peut-être arrangées pour faire un meilleur livre et donc un meilleur film. Mais lui, il était étudiant à Harvard, de par la publicité, est-ce que. Ouais, l'histoire est un petit peu floue dans ma tête. Il est parti ça, lui, sur Internet, puis là, il est milliardaire. Ouais, c'est ça. Ben, ça, oui, ça, c'est sûr. Ça, il est milliardaire. C'était ta pioche, sûr. Donc, quelques faits par rapport à Facebook. L'utilisateur moyen a 130 amis. T'en as combien, toi? Bon, je sais pas, man. Je vois pas tant que ça. Non, c'est ça, t'es pas très actif là-dessus. Non, je suis pas. Ça, c'est pas. Les gens dépensent plus. Ben, en fait, passent plus de 700. Dépensent. Plus de 700 milliards de minutes par mois sur le site Facebook. L'utilisateur moyen crée 90 ce qu'on appelle pieces of content, donc du contenu, qui soit des photos ou n'importe quoi. 90 morceaux à chaque mois. Loin de moi. Ça doit, hein. Toi, c'est 1. 50% des utilisateurs actifs y vont au moins une fois par jour. D'accord. Le site est disponible en plus de 70 différentes langues. J'espère qu'elles sont différentes, ces langues-là. 70% des utilisateurs de Facebook viennent de l'extérieur des États-Unis et plus de 30 milliards de pieces of content sont partagés par mois par différentes personnes. Donc, partagés. Okay. Pas créés par la personne. Non, des trucs YouTube, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Sais-tu que la Pennsylvanie était la première colonie qui a légalisé la sorcellerie? Non. Ah! C'est pas très cool, ça. Non, hein? Moi, j'aimerais pas ça. La chasse aux sorcières, ça, par exemple. Tu fais un bon lien, mon ami. Parce que plus tard, on a une chronique de Régis Salery. Ah, c'est vrai! Caroline, reste là pour sorcières, ça. Sorcières, Régis Salery. Oui, le lien est là, clairement. C'est. Oui. Parce que Régis Salery, personne ne le sait, mais c'est une sorcière. Non, non, loin de là, le fait que Régis Salery est une sorcière, mais Régis Salery parle souvent de sorcières. Ah, ben oui, tout à fait. 885 000 téléphones cellulaires sont accidentellement flushés dans les toilettes en Grande-Bretagne combien? Par année. Là, c'est juste en Grande-Bretagne. Mais combien? 885 000, qu'on dit. C'est énorme. Mais je sais bien. Je sais bien. C'est impressionnant. Oui. Flushé, échappé dans la cuvette, là. Pas flushé nécessairement. Ben, ça dit flush down. Oh non, ben là. C'est ça, mais ça, c'est une étude. Là. C'est quoi? C'est un petit échantillon multiplié par on sait plus combien. Là. C'est ça. C'est toutes les statistiques. Moi, je crois pas même à ça. Là. Mais bon. Et on va terminer avec celui-là. Le film qui a fait le moins d'argent de tous les temps a fait 30$. Ok. Tu te demandes c'est quoi? Non. C'est pas Jersey Girl. Là. Non, c'est pas Gigli avec Jennifer Lopez. C'est ZX Road, thriller de 2006 qui était un flop malgré le fait qu'il y avait comme vedette Tom Sizemore de Saving Private Ryan et de Grey's Anatomy, Catherine Heigl. C'est vrai. 30$. Un budget du film, dans le fond, le budget était de 1,2 million. Le film a eu sa première à Dallas le 24 février 2006. Il y a eu une seule représentation à midi chaque jour pendant 7 jours. Donc à midi, pendant 7 jours de suite, et c'est tout. Il y a 6 personnes. Dans un cinéma? Dans un cinéma. Il y a 6 personnes qui ont payé pour le voir. Et ils ont fait la première, entre guillemets, à Dallas, seulement pour... Il y a comme une règle du Screen Actors Guild, qui est comme un rassemblement d'acteurs. Là. C'est comme... je sais pas comment t'appelles ça au Québec, en tout cas. Ouais, la guilde des acteurs. Ouais. Si tu faisais une première, genre, ils pouvaient payer leurs acteurs moins cher. Et en fait, un des producteurs a même offert de rembourser l'argent à des amis à lui qui étaient allés voir le film qui avaient payé pour. Fait que dans le fond, si on considère que ils n'ont pas accepté le remboursement, c'est j'imagine. C'est de la perte, ça. Et voilà. Donc, vous pouvez en savoir plus sur cette histoire-là, sur le film, dans un article d'Entertainment Weekly que j'ai posté sur assemblagerequis.com. C'est bien intéressant. Voilà. Mais c'est bien plate comme film. C'est bien plate comme film. J'imagine. Ouais, c'est ça. On l'a vraiment dit en même temps. On devrait serrer le petit doigt. Ça devrait être la fin. Clac. Ben, c'est le bras. Ça me donne bien. Yeah. Ah non. OK. Un dernier. OK. C'est vrai que c'est la fin après ça. Harley Davidson a essayé de prendre un trademark, donc une marque de commerce, sur le son du moteur de leur moto. Ça veut dire ça? Non. Donc, c'est le manufacturier de motocyclettes qui a passé cette application-là en 1994, mais a retiré la requête 6 ans plus tard après ne pas avoir eu de succès. Voici d'autres compagnies en rafale qui ont réussi à avoir un trademark pour leur son, donc une marque de commerce par rapport à leur son caractéristique. Sweet Georgia Brown, qui est la chanson thème des Harlem Globetrotters, l'équipe de basketball. Ouais. Le cri du lion, le roar de MGM Studios. Les petites notes du réseau NBC. Pam, pam, pam. Bon. Le symbole de Pentium d'Intel. Le son de THX, tu sais, ça fait comme super science-fiction. Et puis la fanfare de 20th Century Fox. Ça, c'est pas, je suis pas bon. Oui, ah oui, c'est ça. Ah là, là. Hey, on a eu quelques-uns quand même. On a eu un. C'est ça. On est bon comme ça, nous On a du talent. On est l'équipe du matin. C'est ça qu'on fait à la radio, nous autres. On a du talent. Voilà pour cet fait. Il y aura une autre chronique demain. Demain, malheureusement. Tomorrow. No. Hey, merci Mathieu. Hey, il fait plaisir. 8h bien pile, t'as timé ça à la seconde près, mon ami. Mais c'était écœurant, ça, Colin. T'es une bête. Ça arrive jamais. Mais on va prendre une petite pause, on va se terminer cette première heure-là. On se retrouve avec une deuxième tantôt. Il va y avoir Maxime Lemulleramé avec sa chronique Télécharge soi. Quoi? Cette semaine, il va nous parler de musique, comme toujours. Oui. Oui. Oui. Et Émilie Gauthier, un peu plus tard, vers les 8h30. C'est bien ça, Mathieu? Oui, avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Donc, on se retrouve juste après l'Infocampus. Restez là, bye! C'est fou, ça. 89.1. Ça me donne le goût de danser, là. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier, toujours en compagnie de moi. De Mathieu Plante, malheureusement. Du si haut nommé, du surnommé. Si haut nommé? Surnommé. Mais que nous dis-tu, là? Précédemment. Eh, hey, bon, ça va faire. Bon. Bon, retour deuxième heure avec Émilie Gauthier, tantôt, qui va s'en venir avec sa chronique plein air. Veux-tu sortir avec moi? Elle arrive en cadeau toutes les semaines, donc c'est normal que ce soit vers la fin de l'émission. Aram. Pour l'instant, par contre, ce qu'on a, nous, en direct, en studio, live in person. From Trois-Rivières. Live from Trois-Rivières, c'est Maxime Lemulleramé qu'on accueille à l'instant avec sa chronique merveilleuse. Télécharge, je crois. Bonjour les internautes. Les internets. Internautes. Ah oui, on a un fil de branchage quelque part, c'est ça? C'est ça. Fresh cut en plus, Mathieu. Est-ce que t'en as parlé de... En ondes, tu m'en rappelles coupe de cheveux? On a se parlé? Ah, hier, on a effleuré ce sujet-là. Oui, c'est ça, il m'a effleuré la tête. Merci. C'est très propre. Ben moi, en tout cas, je le dis encore, je le dis toujours, j'aimerais ça juste pouvoir t'amener au coiffeur pour me faire copier-coller de ta coupe de cheveux. Je te l'ai dit, on va prendre une photo de mes cheveux, c'est ça. L'amènera. Je sais pas, j'ai la bonne texture de cheveux pour ça. Ouais. Quand je suis allé voir le film Les Amours Imaginaires là, de Xavier Dolan. Oui, oui. Puis à un moment donné, il arrive avec... tu le vois, là, c'est dans le film, il arrive avec une photo de James Dean à sa coiffeuse. Là, il se fait le gros toupette à la James Dean. Cool. Xavier Dolan. C'est fort, c'est fort. Ouais, notre cinéaste québécois. Oui, oui. Alors aujourd'hui, je commence en vous parlant de The XX que je suis allé voir à la salle Wilfrid Pelletier vendredi dernier. Moi, j'avais vraiment hâte de voir The XX, surtout parce que je me demandais quelle sorte d'ambiance allait être. C'est un peu smooth, leur seul album, en fait, est très smooth. Je me demandais live à quoi ça allait ressembler. C'était vraiment cool aussi, parce que la salle Wilfrid Pelletier, bon, on le sait, c'est là qu'il y avait habituellement les spectacles de l'Orchestre symphonique de Montréal. Alors, tu sais, c'est une belle salle, tout le monde est assis. Alors, c'était vraiment cool, je veux dire, par rapport à... l'ambiance du spectacle et l'ambiance de la salle. Ça, j'ai vraiment aimé. C'est sûr que c'est vraiment mollo, relax. Il n'y a jamais personne qui a crié, qui s'est levé, qui a commencé à danser vraiment. Mm-hmm. Fait que j'ai trouvé ça comme cool comme spectacle. Habituellement, je reviens d'un spectacle, je dis, c'était écœurant, hein? C'était le meilleur show que j'ai vu. Mais là, j'ai trouvé ça correct, cool. OK. Smooth. Chill out. Alors, c'est ça, DXX qui ont gagné récemment le Mercury Prize, qui est un peu l'équivalent du prix Polaris ici, je dirais. Alors, ça n'a pas rapport avec la popularité, ça n'a pas rapport avec le nombre de CD vendus. C'est vraiment... le talent. Le talent, ouais, un peu. Alors, la chanson, la pièce que j'ai choisie, c'est la pièce Infinity, qui conclut presque l'album. C'est vraiment une bonne pièce. Relax, mais qui a quand même des pics, des montées. Alors, on va écouter ça tout de suite. À Télécharge quoi? Sur CFOU 89.1, dans Assemblage requis, à l'UQTR, de Trois-Rivières, en Mauricie. I can't. DXX avec la pièce Infinity de l'album homonyme du groupe. Homonyme comme dans porte le même nom que DXX. Ouais. Alors l'album s'appelle XX. Ok, c'était ça. Alors là, je pense que c'est la hein? La tournée s'est terminée. Mais c'est pas terminé, mais je veux dire, ils repasseront plus à Montréal. OK. J'ai entendu dire rumeur, là, c'est pas un fait, que le bassiste et chanteur allait peut-être sortir un projet solo. Mais c'est des oui-dire. Des quand dira-t-on? Quand dira-t-on? Des quand dira-t-on? Exactement. Alors, deuxième artiste dont je voulais parler... Dans c'est... le blog télécharge quoi? Oui. Premièrement, de Maxime Lemieux-Ramé. Ouais, j'aime pas ça quand on nomme mon nom en radio. Ah, excuse-moi, non, c'est pas vrai. De MLL. C'est pas vrai pour tout. Alors, c'est ça, je voulais parler de DOM, D-O-M, un groupe, si je comprends bien, selon leur MySpace, du Massachusetts, que j'ai vu, moi, en première partie du show de Ratatat. J'avais vraiment, comme, trouvé ça très bon. OK? Ouais. C'est sûr que les premières parties, tu t'écoutes jamais attentivement parce que t'as souvent hâte à l'artiste principal. Non, c'est pas vrai pour non. Tout le monde. Ça. Moi, j'écoute beaucoup les premières parties parce que des fois, c'est super bon. Ouais, c'est ça. Des fois, c'est quelque chose qui va arriver. Mais des fois, c'est très déplaisant aussi. Oui. Ouais, mais... ça peut dépendre. C'est vrai. Ça peut dépendre. Donc, c'est ça. D-O-M, DOM. J'ai cherché partout sur MySpace. C'est un peu difficile de les trouver. Moi, j'ai marqué, en fait, D-O-M MySpace. Il y en a 3-4 qui sortent, puis il faut que tu trouves le bon. Il n'y a pas de page Wikipédia. Qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est sur iTunes. Alors, j'ai tapé DOM sur iTunes. Et puis, j'ai vu qu'il y avait un maxi ouais, qui est sorti en avril 2010 qui s'appelle Sun Bronzed Greek Gods. Dieu grec bronzé au soleil. Au soleil, c'est ça. C'est comme les tomates séchées au soleil. Genre. C'est exactement. Sûrement. Sûrement. Alors, on va écouter la pièce qui n'est pas super représentative du son que j'ai entendu live, mais que j'ai trouvé super bonne dans mon iPod. Alors, ça s'appelle Living in America. C'est un groupe qui me fait penser au groupe Girls qui a fait un super bon album et puis qui a fait surtout fureur sur Pitchfork, qui ont eu une super bonne note sur Pitchfork. Uh-huh. Alors, DOM, D-O-M, Living in America. We'll be right back. est quand même loin de Rammstein avec ça. We're all living in America. Alors, c'était Dom, D-O-M, Living in America. Comme Mathieu l'a si chanson. Bien chanson. Ouais, ben là, c'est pour le bien de tous. Des auditeurs. Alors, c'est ça, c'était... Hey, c'était bon, c'était une bonne pièce. Ouais, mais oui. C'est un peu plus électro que, comme je le mentionnais, live. Le live, c'est vraiment rock, garage, puis... ça me faisait, comme je le disais tantôt, ça me fait penser au groupe Girls et leur album intitulé Album, qui avait eu une note de 9.1 sur Pitchfork. Les Pitchfork sont sévères. Ils sont très fois. Sévères. Alors, c'est ça, à surveiller, Dom. Il y a un maxi qu'on peut se procurer sur iTunes, qui s'intitule, je le répète, Sun Bronzed Greek Gods. J'aime ça parler en anglais. Alors, c'est ça. Troisième artiste. Toujours dans le bloc à Télécharge Quad, MLL. Ouais, c'est, j'aime ça quand tu le répètes, hein, parce que moi... Ben, les gens sont pas toujours au courant. Quand je suis parti, ouais, c'est ça. Ils savent pas tout ce qu'ils veulent dire les affaires, eux autres, tu sais. Ouais, faut leur dire, bonnes affaires. Alors, dernière pièce que j'ai choisie, c'est une pièce de James Murphy. James Murphy, en fait, c'est LCD Sound System. Ah! Ouais, alors que j'ai vraiment adoré l'album This Is Happening de LCD Sound System qui est sorti cet été. J'en ai pas reparlé ici parce que bon, ça fait quand même un peu longtemps qu'il est sorti, je pense au mois de mai-juin. Donc peut-être ultérieurement. C'était dans la période morte entre la fin d'Assemblage Requis version hiver et le début d'Assemblage Requis version automne. Ouais, ben c'est ça là. C'était dans les limbes. Alors c'est ça, James Murphy en fait a fait la bande originale, bande sonore, ouais, du film Greenberg, un film de Noam Bachman. En tout cas, c'est lui qui fait des films un peu bizarres, dont je m'en rappelle plus, The Squid and the Whale. Ça te dit quoi ça, non, Mathieu? Non, du tout. C'est un film quand même assez étrange. Alors Noam Bachman. Je pense, hey, je dis des noms comme ça au hasard, mais le film c'est Greenberg, en fait, je le suggère vraiment. C'est avec Ben Stiller, puis Ben Stiller fait juste créer des malaises là-dedans. Ah, c'est oui. Vraiment assez intense. J'en ai entendu parler, ça a l'air vraiment hot, ça. Ouais, c'est quand même drôle, c'est un peu malaisant. Ben moi qui apprécie tellement les malaises. Ouais, c'est ça, toi, je pense que tu vas aimer. C'est dans le genre de... Ouais. Puis c'est comme, en tout cas, c'est bizarre. C'est un homme de genre 40 ans qui se cherche dans la vie, qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait. Puis c'est un peu bizarre, là, tu sais. C'est super motivant comme film. Ah ouais, ça a l'air. Mais en tout cas, c'est ça, en entendant quelques pièces. Tu vois, lui, il continue pour qu'il n'y ait pas aucun malaise. Ah, c'est ça, non. Ça, c'est le fun. Alors, c'est ça, sur la bande originale, il y a des vraiment super bons titres, dont une pièce de Duran Duran qui s'appelle The Chauffeur. Puis ça m'a permis de découvrir Duran Duran, que je connaissais comme vraiment de nom, les gros titres. Cette pièce-là de chauffeur est excellente. Mais bon, j'ai choisi de faire passer la pièce Please Don't Follow Me de James Murphy, alias LCD Sound System. Puis, il veut vraiment que je la parte tout de suite. Ouais, pour faire là, parce que. Non, mais c'est super lente à commencer, okay. Genre. C'est pour ça. Fait que je veux que tu c'est la sûr. Partes. Ouais, ouais, non, commence tout de suite à la Allez, parler. Mathieu. Vraiment. Ouais, créer un malaise après l'avoir parti. OK. Parce que ça prend genre quasiment une minute avant qu'elle parte. Tu sais, de la musique de film. Ah oui. Hein, Mathieu? Ah oui. Tu es-tu à l'Assemblée générale demain, Mathieu? Oui, je vais être là demain. À midi, à 1h30. Ouais, ben, oui. Celle de loger est à midi. On s'en fout, oui, celle de midi. Non, à midi, midi, midi, midi. Midi, puis on reste pour C'est fou. Ouais, 1h30. Tant qu'à ça. Venez pour les autres et restez pour ce qui reste après. C'est ça. Alors, on écoute James Murphy... la pièce Please Don't Follow Me de la bande originale du film Greenberg. Télécharge quoi? Don't follow me. Alors, c'était James Murphy avec la pièce « Please Don't Follow Me », issue de la bande originale du film Greenberg. Alors, tantôt, j'ai dit un peu n'importe quoi là, quand je parlais du film de Greenberg. Alors, c'est du réalisateur Noah Baumbach. T'étais proche. Aussi... Ouais, c'est ça, j'ai dit le contraire. T'avais une syllabe de pas correct. Ouais, qui a co-écrit le film, tu sais, The Life Aquatic, with Steve Zissou. Zissou. Film que j'ai adoré de Wes Anderson. Alors, je pense qu'il fait plus écrire des films qu'en réaliser. Mais moi, j'avais vu The Squid and the Whale auparavant, en 2005. Avec, tu sais, l'acteur qui fait l'acteur principal dans The Social Network. Adam... Jesse Eisenberg. Eisenberg. Eisenberg. Ça aussi, c'est un autre film avec plein de malaises. Alors, ah, cool. Ah, ouais, il y a des malaises dans The Social Network? Non, dans The Squid and the Whale, pardon. Ah. Je parle de mille affaires en même, champ, en ouais, même temps. Alors, je prends des notes. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pu parler de films un peu pendant ma chronique de musique. Alors, j'essaie de faire ça de temps en temps. Okay. Ou tu te prends une chronique de cinéma, ça serait le fun, ça aussi. Ah, mais là, hein, ça suffit, les chroniques. Bah, ça va faire, là, crime, pas pour prendre deux chroniques. Il y en a qui en ont 15. Donc, c'est ça. On se revoit à l'Assemblée générale. C'est demain. Quand, ça? Mercredi? Demain, mercredi. Midi, 1h30. Mercredi, be there or be square. Oh. Salut les gars, adieu. Salut Maxime. Bye. C'est la chronique de Maxime Lemieux Laramé. Télécharge quoi? De retour mardi prochain à 8h et o'clock. AM in the morning. 8h tapant. Et voilà. Hey Mathieu, on poursuit la musique? Oui, en fait, on va poursuivre en musique à l'instant. Et puis après ça, on va aller écouter la chronique de Régis Solerie. Régis. Mais pour l'instant, Plastic Slides de Winter Gloves au 89 FM. C'est assemblage requis jusqu'à 9h. Winter Gloves et la pièce Plastic Slide, c'est sur le palmarès anglophone de C'est Fou et c'est aussi sur leur album All Red. Tu trouvais qu'il y avait une variation de ton dans ma voix? All Red. Cet assemblage requis, c'est émission matinale en pièces détachées jusqu'à 9h avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Maintenant, vous le connaissez. tout le monde en est un fan. Je pense que tout le monde l'admet ouvertement qu'on est tous des fans de Richelry. Je pense, non, on peut le dire. Oui. C'est comme ça. Donc, tous très les mardis. Très brillant, là, monsieur. Très, très brillant. C'est surprenant. Oui. Sérieusement, ça me surprend que. Qu'on ait réussi à avoir quelqu'un d'aussi brillant sur nos ondes, c'est ça que tu veux dire? Oui. Tu es en train de le dire que je suis poche, non? Oui. OK. Donc, Richelry avec sa chronique Quand la mort se fait originale. Et tous les mardis, on vous présente ici Assemblage Requis. Voici la quatrième partie. Et voici maintenant une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Un chewing-gum ukrainien au goût un peu trop explosif. Quoi de plus drôle pour un jeune enfant que de mastiquer un chewing-gum et en souffler une grosse bulle jusqu'à ce qu'elle éclate devant son visage réjoui? Et si, en plus, le bonbon provoque ce que les agences de publicité ont métaphoriquement appelé une explosion de saveur, le plaisir est alors total. À condition, bien sûr, de ne pas prendre ce slogan au pied de la lettre. Vladimir Likonos est un jeune étudiant ukrainien de 25 ans. Il vit chez ses parents, dans la ville de Konotop, et s'est inscrit à un programme de chimie à l'Institut Polytechnique de Kiev. En cette soirée du samedi 5 décembre 2009, il travaille dans sa chambre, assis devant son écran d'ordinateur. Soudain, ses parents, entendant ce qui leur semble avoir été une explosion, se précipitent vers la chambre de leur fils et trouvent celui-ci allongé à terre, mort, défiguré, la mâchoire arrachée. L'information rendue publique par l'agence de nouvelles RIA Novosti a fait le tour du monde. Jusqu'à plus ample informé, voici la triste histoire de Vladimir Likonos. Le jeune homme avait pour habitude de tremper son chewing-gum dans de l'acide citrique pour lui donner plus de goût. Or, le terme d'acide citrique a deux synonymes. Un premier, strictement chimique et méconnu d'à peu près tout le monde, l'acide 2-hydroxy-1,2,3-propane-tricarboxylique. Un second, plus rassurant encore plus familier, l'additif alimentaire E330. Rassurant car effectivement, l'acide citrique est utilisé dans l'industrie alimentaire pour son goût très similaire à celui du citron. Une friandise à saveur citronnée contient donc de l'acide citrique et Vladimir ne faisait que copier l'industrie alimentaire. Parmi les possibles effets indésirables provoqués par consommation de ou contact avec cette substance chimique, on cite de la toux, des essoufflements, des maux de gorge, une rougeur des yeux et de la peau ou des douleurs abdominales. Mais aucune explosion du visage. C'est donc ailleurs qu'il faut chercher. Cet ailleurs n'a pas été identifié avec précision par les autorités responsables de l'enquête, mais un flacon contenant une substance explosive ressemblant à de l'acide citrique a été trouvé dans la chambre du malheureux jeune homme. Ressemblant à s'y méprendre, et c'est fort probablement ce qui s'est produit ce soir-là. Vladimir, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur, aurait trempé son chewing-gum non pas dans le flacon d'acide citrique, mais dans celui de l'autre substance. La friction générée par la mastication aurait alors provoqué l'explosion du chewing-gum et celle du visage de l'étudiant. Il faut savoir détourner les yeux de son écran d'ordinateur avant de porter quoi que ce soit à sa bouche. Vous venez d'entendre une capsule de la série « Quand la mort se fait originale », présentée par Régis Solry sur les ondes de C'est fou. Oui, on trouve Régis Solry, dans le fond, tous les mardis. Le mardi. Le mardi. Le mardi matin, le mardi midi, le mardi soir. Oui, ça mardi, joue trois fois. Session, ouais. C'est le mardi, c'est le mardi, c'est le mardi. Je pense que c'est clair. C'est bien. C'est oui. C'est les mardis dans l'assemblage requis, dans le dîner de cons et pendant réanimation. Donc, soyez là pour ça tous les mardis. C'est assez fou. Nous, on retrouve Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi » juste après la pause. Juste après la pause. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Jusqu'à 9h, c'est fou. Ça pique, pique, pique, la barricade. Ça gratte, gratte, gratte, gratte. C'est fou, ça. 89. Vous, Écoutez Assemblage requis sur C'est fou. Oui, jusqu'à 9h, c'est l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Bonjour. Bonjour, François-Olivier Marchand. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, très bien, merci. D'accord. On va demander à quelqu'un d'autre si ça va bien. Salut, Émilie Gauthier. Allô? Émilie Gauthier, ça va bien? Oui. Oui? Oui? Ben, bonne réponse! Yay! Yeah! Veux-tu sortir avec moi? C'est la chronique plein air d'Émilie Gauthier. Salut! Allô! Salut! Allô! Salut! C'est déplaisant, hein? On dirait une meute de loups. Allô! Quel lien avec le plein air incroyable. Ben, c'est incroyable parce que oui, des loups, il y en a à l'extérieur. C'est vrai. Je sais pas. Mais il y en a sûrement pas dans les sujets dont on va parler aujourd'hui parce qu'on a un amalgame... meute, je dirais, de sujets. Hé, hey, on a une meute de sujets. J'aime ça. Bravo, Mathieu. T'es carré. Donc, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Commençons par le Parc national de la Mauricie. Oui, un coup de cœur. Coup de cœur dans la région pour les amateurs de plein air, de hiking, de randonnée, de dehors. De dehors, pour les fans de dehors. Oui, parce qu'autant été comme hiver, il y a des activités. Donc, autant pour... Il y a des lieux pour marcher, il y a des lieux pour faire du ski de fond l'hiver, de la raquette. Je pense que n'importe quelle personne qui aime passer du temps dehors peut trouver de quoi qui convient au parc de la Mauricie. Donc, c'est une superficie de 536 km², ce qui est quand même assez gros. Hein? Oui, ben oui. Pour les personnes qui ne catchent pas km², c'est gros. Ouais, c'est... oui. Je dirais que c'est quasiment la moitié de 1000. À peu près. Ou même plus. Ouais. Ça veut rien dire. Pas en tout. On a 13 sentiers qui totalisent 152 km. Il y a autant un petit sentier de 0,7 km débutant qu'il y a un sentier de 13 km avancé, qu'il y a un sentier de 75 km avancé dénivelé de 300 m. Donc, c'est pas madame avec la poussette qui part pour faire ce dernier sentier-là. Non, c'est ça. Fait qu'on a vraiment pour tous les goûts. Il y a deux nouveaux sentiers qui sont ouverts depuis peu. Un de 18 km et un de 1,5 km qui sont ouverts durant la saison 2010. C'est un parc qui est situé dans un territoire au relief accidenté. Fait qu'il y a des collines, des rivières, des cascades, des lacs. Et on passe près d'une ancienne plantation qui a subi un brûlage afin de protéger le pin blanc. Je savais pas que ça se faisait, ça. Ah, okay. C'est comme une coupe à blanc, mais pour protéger une autre espèce. Mm-hmm. Voilà. On croise des ruisseaux pour accéder à un belvédère donnant sur le lac Rossois. Et la rivière Saint-Maurice, on s'y a une érablière, il y a des montées raides, des points de vue, différents milieux de forêt, des sentiers d'interprétation. Bref, je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Oui, si vous aimez voir des choses. Oui. Fait que c'est ouvert jusqu'au 17 octobre, de 7h à 21h30. C'est situé à environ une heure de l'université, tout dépendamment de l'entrée qu'on va prendre. On peut y accéder par la 55 Nord, puis après ça, on prend la direction Saint-Jean-des-Piles. Je pense que c'est la sortie la plus accessible pour tout le monde. Et on doit débourser 7,80 $ pour accéder au site. Puis pour plus d'informations, on peut aller sur www.pc.gc.ca/Mauricie. D'accord. Ça a l'air bien, ça. Moi, sérieusement, tu sais, je sais que c'est proche, puis que tout le monde est allé en région. Les gens qui viennent pas de la région, évidemment, vont en entendre parler, ils vont y aller. Moi, je vais pas, puis c'est juste à côté. T'sais. Mais ça attire beaucoup de touristes aussi, les Français. Je pense qu'ils viennent aussi dans la région pour ça. C'est un bon... Je pense que dès que tu as un parc national dans ta région, c'est un gros plus. Puis tu sais, c'est pas très loin. Là. Pour les gens de Shawinigan, c'est une joke se rendre. Là. Fait que se rendre à Shawinigan, c'est quoi, 35-40 minutes, tout dépendamment du coin. Fait que il reste de là un petit 25 minutes. Là. Fait que je pense que c'est accessible vraiment à tout le monde. Du moment qu'il y a une auto dans la gang, là, on est capable de faire du covoiturage. Ben oui, on en parlait l'autre fois de faire du covoiturage. Covoiturage. Pratique, ça. Oui. Parle un petit peu de la réserve faunique du Saint-Maurice. C'est une réserve faunique qui a été créée en 1979 avec une superficie de 784 km qui est encore plus grosse dans le fond que le parc de la Mauricie. Sur le territoire, il y a 31 km de sentiers débutants intermédiaires. Il y en a un qui passe à travers une tourbière, d'autres qui mènent sur un lac, une plage, une chute de 10 mètres. On peut observer des orignaux, des lièvres, des oiseaux et même l'ours noir, un endroit stratégique de la réserve. Je pense pas qu'on peut en croiser un en se promenant. Il n'est pas en liberté. Il y a une cache à quelque part que tu risques de croiser un ours. En tout cas, j'ai Je suis pas une professionnelle de l'ours noir, mais sinon, on peut aller sur le site internet, puis je pense qu'on est capable de les contacter pour comprendre. Moi, j'ai un peu à chienne, fait que je suis pas sûr que j'irai. C'est ça, non. C'est ouvert jusqu'à la mi-octobre. De semaine, c'est ouvert de 8 à 21 heures. En fin de semaine, de 8 à 16 heures. On doit débourser 12 $ pour l'aller-retour du traversier. Donc, à ce que j'ai compris, c'est comme une petite île, la petite réserve. Là. OK, OK. Fait que c'était pas écrit nulle part, mais je me dis, si c'est 12 piastres pour un traversier, ça doit être que c'est une île. Ça doit, ça doit. J'espère que l'ours n'est pas tout seul parce qu'il va trouver le temps long. J'y souhaite. Il va se construire une radio avec des noix de coco. Ben, la réserve comme telle, il y a une saison particulière que j'ai pas trouvé la date, que c'est une saison de chasse. Donc, ça doit vraiment être une réserve qui est pleine d'animaux, là. Ouais. J'imagine que l'ours fait de quoi tuer. Tu pas l'ours, ça doit être interdit de tuer l'ours, j'imagine. Hein? Ouais, non, c'est le seul, donc touchez-y pas. C'est ça. C'est pas parce que vous êtes le ranger du parc. Le ranger. Avec Boubou. Boubou. Boubou. Boubou. Boubou. Ils vont faire un film avec Yogi l'ours. Hein, fait que, attendez. J'ai vu des previews. Attendez ça. Ça a l'air le fun. Oui. Fait que la réserve est située à environ une heure de l'université. On peut se rendre par l'autoroute 55, direction Grand-Mère, direction Trois-Rives. OK. Fait qu'on peut se rendre au www.cepac.com/Saint-Maurice pour plus d'informations. Ici, c'est Saint-Maurice avec S-I-N-T. Des fois, on sait pas trop. Ouais, c'est vrai. Hein? Mais les liens sont sur assemblagerequis.com de toute façon, donc oui. Même pas besoin d'y retenir. Même pas besoin de sortir un bloc-notes en courant, là. Ça va être écrit sur Internet. C'est l'émission pour les paresseux. On travaille pour vous. Fait que voilà. Profitez-en, tu sais. Assemblage même pas requis, c'est déjà tout écrit sur Internet. C'est ça. Passons maintenant à la réserve faunique Mastigouche. Je me souviens que l'année passée, t'avais beaucoup aimé ce mot-là. Je me retiens. Je sais que t'avais bien aimé ça. C'est une réserve créée en 1971 qui occupe un territoire de 1566 km². Hey, c'est gros longtemps, ça aussi, oui. Là. Parsemé de lacs, rivières, plusieurs types d'érablières, le réseau de sentiers totalise 49 km en 7 sentiers. Qui permettent d'observer des chutes, des points de vue variés. La réserve héberge aussi une trentaine de mammifères et des oiseaux, dont l'aigle doré. Donc, c'est un bel oiseau. C'est situé à environ 1h30 de l'université, c'est un peu plus loin, mais l'entrée est gratuite. On doit débourser quelques dollars pour le stationnement et c'est ouvert jusqu'à la fin octobre. On peut y accéder en direction de Louisville. Pour plus d'informations, on peut encore aller sur le site de la CEPAC. À noter aussi que la réserve fait partie du Sentier national. Ça, j'en avais parlé un petit peu l'année passée du Sentier national, mais je vous reviens là-dessus parce que c'est quand même un projet super intéressant. Il y a pas de nouveaux étudiants qui ne savent pas trop. Moi-même, je ne sais pas. Ben, c'est quand même assez récent. Ça consiste dans le fond à aménager un sentier pédestre ininterrompu qui va traverser le Canada d'ouest en est. Donc, mais ça fait très longtemps. Est-ce que je me trompe de dire que ça fait très, très, très longtemps qu'ils parlent de faire ça? Ben, qu'ils parlent de le faire, oui, mais ça, c'est en construction. Là. Okay, j'imagine okay, qu'il manquait des budgets ou que ça doit être fait un peu plus dans l'ouest, mais au Québec, ça fait pas super longtemps que c'est développé. OK. C'est ça. J'imagine que chaque province construit sa partie pour... J'imagine, mais dans le fond, au Québec, on va avoir 1500 km de sentier. Ça va donner un projet d'environ 10 000 km en tout. Ça, c'est à pied, c'est tout aussi bon en bicycle aussi. C'est un sentier de randonnée. Fait que à moins que faut que tu aies un bon bicycle, c'est clair, ce sera pas un sentier asphalté. Non, c'est là. Mais ça va vraiment être, si tu décides de partir de Colombie-Britannique à pied avec ton pack-sac, ben, tu peux te rendre jusqu'au Nouveau-Brunswick à pied, puis sans avoir à dériver ou quoi que ce soit. Là. C'est fun, hein? Mais que j'aille une quinzaine de minutes, là, je vois une minute. Ah ouais. T'as des mollets d'enfer, toi. J'ai des mollets de béton. Oh oui. Fait que je pense que ce que j'ai lu à date, ça s'étire de l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick. J'imagine dans l'Ouest, c'est pas encore super développé, quoique il y a beaucoup de parcs nationaux dans l'Ouest. Fait qu'à date, ça passe par l'Outaouais, Laurentides, la Naudière, Mauricie, Québec, Charlevoix, Manicouagan, Bas-Saint-Laurent. Puis la partie la plus importante, on va vraiment traverser les parcs nationaux puis les pourvoiries là, pour éviter d'avoir à déplacer des routes pour ça ou quoi que ce soit. En fait, le fondateur de l'Association canadienne du Sentier national, M. Doug Campbell, a dit que le Sentier national permettra avant tout de profiter du plein air, de pouvoir marcher, relaxer, faire de l'exercice et se recréer. À long terme, le Sentier national veut combler le besoin pressant de nouveaux espaces récréatifs afin de répondre adéquatement aux nouvelles habitudes de vie liées au maintien d'une bonne condition physique. Il vise aussi à préserver les sites offrant une importance historique et panoramique avant qu'il ne soit accaparé par le développement immobilier ou commercial. Enfin, sa mission l'appelle immanquablement à forger un lien durable à travers le pays pour unir toutes les énergies vouées à la protection et à la promotion de l'environnement naturel. C'est très cool, ça. Oui. Fait que je pense que c'est un très, très beau projet qui mérite d'être connu. Il y a quand même une bonne partie... Il y a quand même plusieurs sentiers au Québec qui font partie de ça dans la région. Il faudrait que, un moment donné, je fasse une chronique sentier national pour dire au Québec, mettons que vous venez pas du coin et que vous avez le goût, genre, chaque petite région du Québec, quel sentier qu'il possède. Là. Je pense que je vais essayer de revenir là-dessus. On t'appuie. Dans les prochaines semaines. Parfait, ça. Bonne idée. Okay, c'était pour le Sentier national que je trouve un beau projet. Oui. Oui. Si vous voulez toutes les informations, encore une fois, c'est sur assemblagerequis.com, que ce soit pour le Parc national de la Mauricie, pour la réserve faunique du Saint-Maurice, pour la réserve faunique Martigou. Et pour le Sentier national, c'est même pas drôle. C'est ça l'affaire qui est le fun, ça. J'ai pas mis de lien pour le Sentier national, mais si vous faites juste taper ça sur Google, j'imagine que vous allez trouver de quoi. Moi, j'ai pris ça dans un livre, là, mais j'imagine que sur Internet, on peut trouver de quoi d'intéressant aussi. Voilà, merci beaucoup, Émilie Gauthier. Ça fait plaisir. On te retrouve mardi prochain. Oui. 8h30. Ben oui. À peu près. Là, plus ou moins 5 minutes. Là. C'est ça. Dépend s'il y a bien du monde qui m'empêche de traverser à pied. Ouais, ouais. T'emprunteras le Sentier national. Ah, ben oui, hein, pour m'en venir ici. Ça mène tout le temps. Tous les chemins mènent au studio. C'est fou, c'est connu. Ben oui. On devrait se faire un sentier. Le sentier, c'est fou? Pas de budget. Pas de budget pour ça, non. Non. Voilà. Donc, Mathieu Plante nous coûte assez cher. Ben oui, c'est ça. Quel fardeau d'avoir un Mathieu Plante ici. Mm. C'est un beau défi. Faut l'apprivoiser. Éducation spécialisée et tout. Donc, Émilie Gauthier, mardi prochain, 8h30. Merci. Oui, bye. Merci. Bye. Vous êtes toujours à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On va se continuer ça avec une petite pièce de RJD2. Oui, Ghost Rider. Bon, ben on va écouter ça. Sur C'est fou, 89.1 FM. Restez avec nous. Restez avec nous. C'est bon, cette pièce. qui est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. And you was the name of her act, and it's true, to love her is all I can do in a world that's beaten everything black and blue. They are the silver Jenny dollar, silver Jenny dollar, silver Jenny dollar. We're only ever passing through. Cartilage and sinew was the name of our act, and it's true, you noticed, it's all I can do in a world that's beaten everything black and blue. They are a silver Jenny dollar, silver Jenny dollar, silver Jenny dollar. Winter's over, the war is over. A parcel of landmen ask come, it's true, they'll love you. C'est mon Johnny Dollar de The New Pornographers à Assemblage Requis sur C'est Fou. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui, hein, François? Déjà. Ben oui, qu'est-ce qu'on a demain à l'émission, donc? Demain, on reçoit Alexandre Gauthier qui va nous venir nous parler des dépenses militaires. Ah! Oui. Ça va être intéressant, ça, j'en suis sûr. Oui. Restez sur les ondes de C'est Fou toute la journée. Tout à l'heure, à 9h, juste après les nouvelles de Radio-Canada, ça va être Le Soleil, lui, pour tout le monde. Une émission biographique avec notre bonne amie Stéphanie. Qui va nous parler de Damien Robitaille. Oui! Ça va être super, ça. J'aime beaucoup Damien Robitaille. Moi, j'ai hâte d'entendre ça. Plus tard, aujourd'hui, il y a le dîner de con à 11h, évidemment, avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Plus tard, après ça, il y a les filles dont on se la joue. On se la joue. À 16h, Roxane Gagnon et Marie-Michel Dupuis. Oui. Hein? C'est suivi de 6 degrés avec Kim Bergeron. Plein d'autres bonnes choses. Toute la soirée, rock révélé, réanimation, comme toujours. Vos mardis, rock et métal et plein d'affaires qui fessent. Avec Régis Solerie intégré un peu dans la programmation. Qui fesse un peu moins. Qui fesse un peu moins. Mais les sujets dont il parle, eux, ils fessent, c'est vrai ça. Non. On se retrouve demain matin à 7h pour une autre édition d'Assemblage Requis. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Passez une excellente journée. Au revoir. Bye, François. Salut, Mathieu. Sur les ondes de C'est Fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.